que je vais à l'école et voir résultat, je me noie dans l'alcool. Et puis merci tout le temps, j'essaye d'être à l'heure et voir résultat, j'ai de grosses traces de soir. Je me réveille. J'en ai vraiment pas le cul de ces putains de poils, qu'importe la morale. J'prends mes cuites au passé, c'est cher bureau Ricard. Et puis merci, je suis un adepte du puissant. Je me réveille pour tous les opprimés de la terre. Je me réveille pour tous ceux qui n'ont rien fait. Pour boire une bière et puis avec mon père, je me passe du commentaire. J'ai bientôt 18 ans, la crise de tape argent, ça ne m'intéresse pas, moi je reste indifférent. Je me rebelle, je me rebelle. Il y a des gens, ils sont sous comme un cochon ici. Faudrait les filmer. Allez, sous comme un cochon. Je peux mettre ma main sur ton cul. Ah oui, même ma main. Et c'est quoi les gars? Ouais. Vous êtes défoncés. Il fait froid. Trop pas. Oxyrolifleur. Ah oui. Un petit zoom. Un petit zoom. Un petit zoom. Putain, c'est tendu. Attends, je vais aller.